Confidence de Brigitte Tornade, de Camille Coller. 22e épisode. La dynamique du changement. Depuis qu'il a raté une mutation pour New York, Paul est obsessionnel. Il lui faut du changement, du neuf, du mouvement. Non mais on stagne là, on peut pas rester inerte comme ça toute notre vie. T'es gentil, mais perso, je me sens moyennement inerte là. Hein. Entre les devoirs des gosses, les bains à donner, le dîner à préparer. Non mais tu vois ce que je veux dire, on a plus aucune dynamique. C'est... Ah bah écoute, tu sais quoi, mets la table, tu vas voir, ça va revenir. Hein. Et c'est d'être vautré dans le canapé qui te donne cette impression, mon chéri, hein, je t'assure. Son nouveau truc, c'est qu'il veut déménager. Quand Clémentine est née, on habitait Paris, dans un studio. Donc il y avait des cafés partout, des restos, des cinés. C'était une vie de bohème, branchée, détendue. Surtout le week-end, quand on allait au parc pour faire prendre l'air à la petite. C'est un enfer. Eh bah ouais, on n'est pas les seuls à avoir l'idée d'aller au parc quand il fait beau. Hein. Ouais, bah tu parles d'un bol d'air. Première couche de poussière, une deuxième de pollution. C'est vraiment idéal, hein, Brigitte. Oh, mais écoute, c'est bon. Et tu la vois, Clémentine? Ouais, dans le bac à sable, là, droit devant. Où ça? Là-bas. Ah ouais. Oh, Paul, tu vois le petit blond, là? La dernière fois, il lui a piqué son seau. Et? Bah, si tu veux pas te faire dépouiller, faut être en état d'alerte. Toi, t'es là, avec tes lunettes de soleil, ton journal. Oh, Clémentine! Tu restes concentrée, hein, tu gardes ta pelle rose bien près du corps. Voilà, comme ça. Et si quelqu'un approche, t'hésites pas à t'en servir. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es complètement folle, Brigitte, ou... Laisse-moi gérer, Paul. Le parc, c'est mon domaine. Je suis une fille d'ici. J'ai pas été élevée à la campagne comme toi. Je suis moins fleur bleue. Tu l'incites à la violence? Avec l'arrivée des jumeaux, évidemment, on a dû bouger. La légitime défense. Comme beaucoup de familles, on pouvait pas rester sur Paris. Alors, on a trouvé un appartement sympa dans une banlieue proche. Maintenant, avec Léonard, on est 6 et un peu à l'étroit. Malgré ça, je suis pas pressée de bouger. Cela dit, je me demande si le voisinage serait pas prêt à nous filer un coup de main pour être sûr qu'on s'installe loin d'ici. Pourtant, on n'est pas bruyant. C'est quoi ce nom, maman? Je sais pas, chérie. L'ascenseur est petit, j'ai Léonard dans les bras. Tu sais lire, non? Oui, au troupeau d'éléphants qui a choisi de s'ébattre joyeusement dimanche matin à l'aube. Je voudrais rappeler que la vie en communauté exige des efforts de chacun. Ça veut dire quoi? Rien, c'est le monsieur du troisième étage qui colle toujours des mots dans l'ascenseur. Il adore ça. Bon, Clémentine, tu peux te calmer? Mais on est trop serré, Octave me marche sur les pieds. Mais on n'a pas de place, c'est pas ma faute si t'es trop grosse. Je suis pas grosse, tiens, idiot. Aïe! Mais enfin, Clémentine, depuis quand on tape son frère? Vous vous calmez là maintenant. Léonard aussi, arrête de bouger là. Allez! Allez, on est arrivés, on sort. Doucement. Merde, Clémentine, tu peux m'aider à porter les trucs, s'il te plaît? Ah ouais, parce que je suis une fille, c'est ça? Je vois pas le rapport, je te demande juste un coup de main. Chut, les garçons, Léonard, viens ici. C'est toujours sur les femmes que retombent les corvées ménagères, hein? Non, mais t'arrêtes là deux secondes, on dirait un discours préenregistré. Où t'as été chercher ça? Oh merde, où sont les clés? Chut, tout le monde, ça va pas, non? Vous voulez que l'autre vieille morue nous dise qu'on fait trop le beau sur le palier? La vieille morue qui pue! La vieille morue qui pue! Ah, ben voilà, c'est gagné. Ah, vous êtes de retour. Chaque jour, à la même heure, vous faites tellement de bruit qu'il n'y a plus moyen d'écouter mon programme à la télévision. Madame Canet, vous tombez mal, hein, je suis vraiment désolée, là, on est très pressés. Vous avez vu qu'il y a un mot à votre attention dans l'ascenseur? Comment ça? Les éléphants. Je vois pas en quoi ça me concerne. Bon, allez, les enfants, vous dites bonsoir poliment à Madame Canet. Les enfants? C'est fou, hein? Ils ne vous obéissent pas du tout. Pourtant, c'est pas faute de crier. Bon, vous dites bonsoir, là, à Madame... Vous avez beau avoir l'air autoritaire, ça ne donne aucun résultat. Octave, dernière sommation, tu dis bonsoir à Madame Canet. Salut, vieille morue qui pue! Ah, bah voilà, quand même. Bravo, très bien, quelle éducation! Ah, ils sont bien élevés, vos enfants! On fait ce qu'on peut, madame, on fait ce qu'on peut. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'on soit bruyant. En tout cas, pas plus que d'autres. Des enfants, ça apporte un peu de vie dans un immeuble, hein. On peut pas être entouré que de vieux. Mais bon, c'est sûr que ça calme pas la parano de Paul. Dis donc, t'as vu le mot dans l'ascenseur, là? Quel mot? Ah ouais, le truc sur les éléphants? Ouais. Et alors? Alors, eh ben alors, on est encore dans le collimateur, Brigitte. Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là? C'est le voisin qui a dû voir un documentaire sur les éléphants. Tu es vraiment d'une naïveté confondante, Brigitte. Mais Paul, il n'y a pas de raison que ce mot s'adresse à nous. Non, peu importe, il faut qu'on se tire, Brigitte. On peut pas vivre comme ça, entassé. Les gosses, c'est fait pour crier, pour courir. Ah non, arrête, hein, tu vas pas encore recommencer avec tes idées de déménagement. Hein. Moi, j'aime bien le confort de mon appart. On aura un jardin, un chien, un potager, des poules. Oh, stop! On a déjà quatre gamins, un lapin, et puis on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on trouve. Eh ben voilà, c'est bien ce que je disais. Quoi? Tu refuses le changement. Mais pas du tout. C'est juste que je te connais, que j'ai pas envie d'élever des moutons dans les Cévennes. Mais je te parle pas des Cévennes, Brigitte. Je te parle de déménager à quelques rues d'ici, là. Pavillon de banlieue, c'est de l'aventure modérée. Ok, bah très bien, puisque c'est comme ça. Cherche dans ce quartier, mais compte pas sur moi pour m'en occuper. Hein, parce que refaire les cartons tous les 7 ans, ça me fatigue d'avance, moi. Et en plus, arrête de dire que je refuse le changement parce que c'est vexant à la fin. Bonne nuit. Tire pas la couverture. C'est vrai quoi, je suis pas contre déménager une fois de plus, mais avec Paul, je me méfie. Moi j'ai été élevée en ville, en appartement, avec du chauffage collectif, un local poubelle, un digicode, et moi je trouve ça très bien. Avec la petite voisine, on jouait à la poupée sur le palier, c'était super, on se relayait pour la minuterie, et on a passé comme ça des mercredis, mais formidables. C'était une enfance heureuse, sécurisée, organisée. En même temps, cette instabilité, c'est pas complètement de sa faute à Paul. Faut pas oublier qu'il a vécu en Ardèche. Les cabanes dans les bois, le grand air, ça laisse forcément des traces. C'était La vie trépidante de Brigitte Tornade. De Camille Colère. Avec Éléonore Jonquet, Yannick Choira, Marie-Pierre Cazé, Samuel et Anna Kajman. Remerciements à Elodie Fiat, Brouetta, Sophie Bissance, conseillère littéraire Céline Geoffroy, prise de son, montage, mixage Pierre Mine et Emmanuel Armingue, assistante à la réalisation Lise-Marie Barré, réalisation Cédric Aussi.